Tâche finale. Improvisation théâtrale. Page 52. Activité 1. Lisez et écoutez avec attention l'enregistrement du texte ci-dessous. Quelles sensations traduisent pour vous le ton et les inflexions de voix du comédien? De l'inquiétude? De la curiosité? De la tristesse? Ou bien d'autres sensations?